Couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 sur Fadjet.net et en DAB+ pour votre demi-heure avec les artistes de la région et même de la grande région. Coucou si vous nous écoutez d'Épinal, de Strasbourg, de Reims, en passant par Nancy, vos couleurs c'est en Meuse, sur les internets mondiales, sur Fadjet.net. On est bien dans Couleur locale, très belle année 2026 à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, mes chers auditeurs? La santé, premièrement, qu'elle soit financière, la santé du cœur, la santé de l'âme, la santé de la musique. Vous êtes des mélomanes, on le sait d'ailleurs, puisque vous aimez tous, sans exception, la page Facebook, Fadjet-6, Couleur locale, pour nous suivre maintenant depuis cette saison. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez liker, mais attention, si vous êtes au volant de votre voiture, je vous conseille de garder votre téléphone dans votre poche, vous likerez plus tard. La prévention et la sécurité routière, ce sont des valeurs importantes pour Fadjet qui rentre dans sa 41e année, 41 années de promotion des artistes musicaux, et on ne va pas échapper à cette règle-là pour cette émission, puisque je suis avec un groupe qui est plutôt récent. Voilà, même si les personnes qui sont dans ce groupe, évidemment, sont moins récents. Voilà, je sais pas, ça veut absolument rien dire. Chacun c'est verra. C'est une manière de dire qu'on est vieux, c'est ça? C'est une manière de dire que vous êtes vieux. À la voix suave que vous venez d'entendre, c'est pour le groupe Bruine, nos invités. C'est Thibaut, au chant et à la guitare. Enchanté! Enchanté Thibaut. Et je suis également avec quelqu'un qui m'a dit en antenne qu'on se croisait beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que je croise beaucoup ces dernières années. On a l'habitude d'aller au même endroit. C'est la magie de la vie, la magie de Nancy. Nous sommes avec Maxime. Max! Salut Pierre. Ça va Max? Ça va très bien, oui. Eh ben, bonne cool. année à toi. Bonne année, merci. Bonne année à tous. La dernière fois qu'on s'est vu en radio, c'était il y a très longtemps d'ailleurs, au moins. Il y a quelques années. Ouais, avant Covid, donc on est au moins il y a 6 ans, là, 6-7 ans. Et tu es encore là, Bruine. Alors, moi je pose que des questions tarte à la crème. Hein. Vous avez le droit de répondre sérieusement ou pas sérieusement. Je ne vous en voudrais pas. Première question, Bruine, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout basique, quoi. Cherche pas trop loin, quoi. Maxime. Bah, Bruine, c'était une petite référence à ce bon temps, cette météo locale qu'on a la très bruine. Régulièrement à Nancy. Ouais, la bruine, tout simplement. Donc c'est un vrai mot. C'est un vrai mot, ouais. Okay. C'est cette petite pluie fine. Finalement, on venait soit de Bretagne, soit de Lorraine. Hein. Il n'y avait pas 36 solutions. Ok. C'est un peu ça. En Bretagne, ils ont la mer. En Lorraine, on a la mer. Mais ça marche mieux à l'écrit. Oui, effectivement. Ouais. La mer. Bière. Nicolas. Ouais. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bruine, qui nous fait le plaisir d'être là pour nous présenter notamment le premier single qui est sorti, Down Low, sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, effectivement. Everywhere. Il est sorti vendredi 9. Vendredi 9, sur Deezer, Spotify, YouTube. Kobooz, Tidal, tout ce que vous voulez. Grindr, Tinder. Non. Ça veut dire, on peut ça le partager. Ça se trouve, on sait pas, mais... On sait pas, il y a peut-être quelqu'un qui a partagé ça à sa future conquête en disant, écoute, Bruine, et vous avez vos premiers fans, mais vous en avez déjà, on l'espère. Il y a un clip sur YouTube. Alors, je tiens à préciser, si j'ai bien compris, tout est réalisé au sein des membres du groupe, le visuel, la musique. Ouais, on prend le DIY à fond. DIY, donc do it yourself, fais-le toi-même. C'est ça. Mm-hmm. Que ce soit les visuels, les clips, la promo, l'enregistrement, je veux dire ça parce que Jimmy fait un peu partie de la famille, c'est un peu un membre du projet, c'est notre ingé son. Okay. Et voilà, on essaie de faire les choses par nous-mêmes pour que tout soit cohérent ensemble, c'est toujours mieux, et qu'on ait vraiment un vrai packaging. Ouais. À proposer à tous nos auditeurs. On aura l'occasion d'écouter ce premier single, Down Low. Non, vous êtes, alors, bon, 5 avec le l'ingé son, mais il nous manque 2 musiciens, on va leur faire coucou quand même. Ouais, bah, je sais pas ce qu'ils font d'ailleurs. Que font-ils? Ouais, on sait pas, qu'est-ce qu'ils font. Je sais pas. Alors, qui sont-ils? Donc, il y a Alex qui est à la basse. Okay. Et nous avons Flo qui est à la guitare. Ok, très bien. Combien il y a de titres qu'on va pouvoir découvrir cette année? Alors, on prévoit de sortir 8 titres là, qu'on a déjà enregistrés. Okay. On devrait les sortir un peu étalés tout au long de l'année. Ok. Voilà. Donc avec à chaque fois un petit clip pour accompagner, ou au moins des visuels, un truc un peu... Il y aura des visuels, ouais, okay. Des clips, ça sera selon notre inspiration, notre temps et notre énergie. Comme beaucoup de choses dans la musique. Mais il y aura toujours des visuels, ouais, pour accompagner chaque morceau. Oui. Ouais, il y a un truc chouette là sur les visuels. Je dis ça parce que c'est moi qui l'ai fait. Vas-y, mousse-toi. L'idée sur le projet au niveau de la promo, ça a été de se dire on va créer une expérience visuelle. Et du coup, j'ai réalisé avec mes petites mains et en tapant du code ce qu'on appelle du design génératif, c'est-à-dire que on a un visuel qui va évoluer. Et donc, quand on se rend sur le futur site internet du groupe, personne ne verra la même chose. Quand on cliquera, ça changera. Et puis quand on bougera la souris, ça bougera. L'idée, c'est de se dire qu'en fait tous les visuels de tous les morceaux qu'on va sortir sont issus en fait de ce design génératif. Ok. Et pareil, on aura des bouts de vidéo qui s'appellent on appelle ça des visualiseurs, c'est quand on n'a pas vraiment de clip mais il faut montrer quelque chose. Oui, visualiseurs. Voilà, faut montrer quand même quelque chose sur YouTube. Et ben en fait c'est pareil, ce sera issu de cet outil là voilà, qui a été réalisé maison encore une fois. OK, avec tes petites mains, on vous retrouve ça commence. On vous retrouve sur internet, le site il est en fonction là. Il est en fonction, ouais, c'est brinband.com. Les réseaux aussi, peut-être Instagram, Facebook. Ouais, on a ouais. Insta, Facebook, TikTok même depuis TikTok, récemment. TikTok, ouais. Tout récemment, ah, ouais. TikTok. Tout récemment. On n'y pense pas souvent, mais ça peut être un moyen sympa de se créer une communauté en montrant qui sont les musiciens, des petits trucs sympas. Genre, voilà. Ouais, on va tenter. Bien, ça. On tente d'apprivoiser tout ça un petit peu. Parce qu'en fait, on devient vieux tout doucement. Ah ben. On dit un vieux madame. Donc on va apprendre à utiliser TikTok, ouais. Et quand on devient vieux, il faut apprendre à ralentir et parfois même à s'abaisser très doucement. Genre down low, non. Ah, oh, je savais pas où tu nous emmenais. Mais oui, effectivement, bien sûr, évidemment. On m'appelle Monsieur Transition. C'est le moment où on écoute le titre, c'est ça? C'est le moment où on écoute le titre. Alors, juste avant d'écouter le titre, je vais poser une question. Cette question, c'est de quoi parle la chanson? Et souvent, il y a deux écoles. La première, c'est on dit, mais les auditeurs, ils vont écouter. Alors, tu vois, moi, je rentre chez moi, je suis pas bien. Je me dis, merde, qu'est-ce que je fais dans ma vie pour me faire insulter par les invités? Ou alors, on me tease un peu de quoi parle le morceau, et notamment quand c'est en anglais. Parce que voilà. Eh ben, je sais pas si on est d'accord, Thibaut, déjà, vas-y. Sur de quoi parle le morceau. Pour moi, Down Low, c'est comment expliquer ça? C'est un peu faire face quand les choses vont pas forcément bien. Et okay. On connaît tous salut, ça va? Oui, ça va. Est-ce que ça va vraiment? Le fameux. Il y a un peu cette façade pudique où on dit pas vraiment forcément ce qu'on ressent. Mais pourquoi les choses vont pas forcément bien, mais on fait face et on essaye d'avancer. Ok. Ouais. Bah est-ce ouais. qu'il a compris? Bah ouais, ouais, ouais, tout voilà. à fait. Alors. Après, il y a des bouts de morceaux qui ont été écrits par l'un, par l'autre. Donc voilà. Et puis, il y a beaucoup de paroles qui sont un peu libres d'interprétation, on va dire, okay. dans nos morceaux, ce qui fait que, effectivement, ça se trouve, on n'y voit pas exactement la même chose, même dans notre propre groupe, mais c'est pas grave. Cela ouais. fait partie de la variété qui est chère à la musique et à notre monde. Les différences d'interprétation, les différences de personnes, c'est ce qui nous fait vivre. Je choisis de le croire. Par-delà la brune aussi. Nous sommes avec Brune sur Fadjet dans Couleur Locale et on écoute leur premier single Down Low. Down Low de Breen. Super accent. Sur Fadjet dans Couleur Locale. Si vous avez raté le début de l'émission, pas de panique, elle sera en replay dimanche à 18h sur mon Spotify Pierre Mercier de Radio Fadjet et sur Fadjet.net pendant une semaine. On est avec Thibaut et Maxime de Bruyne qui sont toujours là avec nous. Ils ne sont pas partis malgré les délires un peu chelous de l'animateur. Comment vous allez ça? Vous passez un bon moment? Nickel. Ouais, super. Nickel chromatique. Alors j'ai cru comprendre que vous coécriviez les textes. Alors, tous ouais, les deux. Ouais, en fait, sur. Alors, sur, je vais élargir le sujet même sur la composition. Vas-y. En fait, le projet à la base venait de Max. Ok. Donc Alex faisait partie aussi du projet au départ. Flo et moi l'avons rejoint plus tard. Donc on est passé d'une écriture, on va dire, où c'est Max qui a insufflé, on va dire, les compositions à quelque chose de plus collaboratif. Voilà. Mmh. Et ça a été un peu la même chose sur l'écriture, à l'inverse de, bah, en fait, les premiers morceaux, c'était plutôt Max qui écrivait. Et puis quand j'ai commencé à prendre le chant, parce que c'est mon premier projet où je prends le chant, j'ai commencé à plus prendre ma part dans l'écriture, dans ce que m'inspirer voilà, les morceaux okay. Au niveau du chant. Tu as quelque chose à rajouter, Maxime? Non, il a très non. bien expliqué. Il a très bien expliqué la situation. Est-ce que vous avez des influences communes dans les membres du groupe, des groupes qui reviennent, et quels sont-ils? Ouais, je pense qu'on peut parler. Je dirais là comme ça, qui me traverse l'esprit, Nine Inch Nails. Je sais qu'on. Nine Inch Nails. Je sais que toi t'adores. On aime aussi beaucoup des groupes comme False ou des choses aussi plus métal, parce qu'on a ce passé-là tous dans le groupe. On a joué dans des groupes de métal avant, donc on a quand même toute cette culture un peu rock, métal, stoner. Il y a 3 membres sur 4 qui jouaient dans Willfall, un groupe de métal indus du coup. Okay. Et c'est vrai qu'on a tous ces influences post-rock, post-metal, post-punk. Tout ce qui est post quoi. Ouais. Rock, mais... machin. C'est un peu, on n'a pas envie de tomber dans le piège des étiquettes parce que finalement on écoute des choses très variées. Mmh. Je sais qu'on a aussi bien écouté de la musique électronique que du métal le plus extrême, ouais. Par du rock plus classique. Mmh. Et en fait, tout ça, je pense, nous inspire et nous influence. Et choses qui ne s'entendent pas forcément dans la musique. Je pense qu'il y a un peu de tout qu'on a essayé tout, de ouais. digérer, mais il n'y a pas de. Et puis on est arrivé avec nos bagages aussi, nos sacs à dos. On a tous fait partie de projets dans le passé. Tous les membres du groupe ont déjà joué dans des groupes avant ça et dans des styles très différents pour le ouais. coup. Ce qui fait que on a des automatismes aussi justement dans cette composition de groupe qui est pas très organisée, qui est plutôt au feeling et à l'inspiration. On a forcément des automatismes et je pense que nos expériences passées viennent teinter un peu tout ça, okay. colorer un petit peu tout ça. Et c'est assez rigolo de voir que voilà, quand l'un va avoir une idée d'un riff stoner, l'autre va avoir une idée très pop et ça fait un joyeux mélange, en tout cas on espère, à la fin. Alors en parlant d'influence, du coup je vous ai demandé chacun de choisir une musique, d'un truc que vous aimez bien. Alors j'ai cru comprendre que pour l'un comme pour l'autre, c'est des grandes découvertes récentes, des grosses pépites que j'ai trouvées étranges à l'écoute, hein, j'aime le dire, mais étrange ne veut pas dire mauvais, attention. Séparons l'objectif du subjectif, s'il vous plaît. La langue française, c'est important à maîtriser. Alors on va commencer... qu'est-ce qu'il raconte le gars ? Alors on va commencer par le groupe Maroja. Je sais pas ouais, si ça se dit comme ça. Je pense. Enfin, je t'avoue que je sais pas non plus. Toi, t'es pas obligé de le dire comme ça. Tu peux juste dire Maroja, quoi. Tu peux mais Maroja, ouais, c'est Maroja pas mal. Maroja! Si! Hein? Pardon, tu. Maroja, ça sera très bien. Très, très bien, ouais. Et le titre Trenches, les branches, je crois, c'est ça? Trench, branche, non? Oui, peut-être. Ouais, peut-être. Bonne question. Bonne question. Y a pas on va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça, donc. Très bien. Alors, du coup, pourquoi ce choix? Eh ben, ça a été une très bonne découverte de cette année 2025. Où l'album entier m'a mis une grosse claque. Ok. Et en fait, ça faisait un moment que je m'étais pas un peu fait surprendre. J'ai toujours aimé ces groupes ouais. qui repoussent un peu, justement, parler d'influence, ou qui cherchent à aller plus loin. Là, je trouve que ce groupe, c'est une tonne d'influences très bien digérées. C'est, ok. Ça passe par... Il y a une grosse influence jazz, post-punk, et en même temps hip-hop, et un ensemble mélangé. Ok. Assez surprenant. Et ben on va faire profiter nos auditeurs de cette musique. On rappelle que vous écoutez Couleur Locale sur Fadjet à Nancy, que vous nous écoutiez dimanche ou samedi. On est à l'heure soit de l'apéro, soit de manger. Alors ben bon appétit à vous. C'est Marouja et le titre Trenches. Challenge every culture, set heights without a limit, evolution. Sculpted by the hands of perseverance, generations healing. The love has been oppressed, something calling in my memory, I'm spiteful. Overthinking this insanity in cycles. Venom seething in my veins, I let it all out. Took my pain into power, feel the fallout. Leather lungs, blackened and I'm choking. Spitting up the phlegm of these mechanisms coping. It's a bloodbath, I better run fast. Looking at each other like the enemy wears no mask. It's the message that has always been unbreakable. Solidarity is never unattainable. Dedication, my fingertips bleed. My universe determined by my self-belief. When you look at me, you're staring at some success. The message all of me, I scream it to my deathbed. No revolution if you don't think you're a revolutionary. The minute that we trust ourselves, becoming visionaries. When man just didn't care, the gods up and left. And threw us into chaos, never mind who I've bled. I redeem us with this music, seeing more, saying less. Listening to speak with the intent to manifest. Marouja, le titre Trenches, choisi par Maxime du groupe Bruine. Mes invités sur Fadjet dans Couleur Locale, on rappelle que c'est une demi-heure avec les artistes de la région, les samedis à 13h, les dimanches à midi sur Fadjet, 94.2 à Nancy, Fadjet.net, et en DAP+, 41e année, mes chers amis, est-ce que vous allez bien? On doit répondre. Ben, j'avoue qu'on ne sait pas c'est à qui la question. Les auditeurs, parce que les auditeurs, ils peuvent pas répondre. Les auditeurs, ils ouais. peuvent répondre en aimant la page Facebook Fadjet tiré du 6 couleur locale. C'était l'objet de cette magnifique transition. Et on les invite également à vous suivre, Bruine, sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, le site internet www.bruineband.com, le single Download. Qui est sorti, clip sur YouTube, encore 7 morceaux à arriver cette année. Tout sera cette année, hein, si j'ai bien compris. Oh oui. Ouais, oh oui. On va pas laisser reposer ça, non mais dis donc. Bah c'est ça. De musicien à musicien, on sait que le travail des instruments, la composition, l'enregistrement, c'est vachement cool. Mais vous allez quand même être d'accord avec moi quand je vais dire que ce qui est vachement cool aussi, c'est la scène, partager la musique. Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'on peut attendre de vous voir cette année? Alors oui, c'est prévu. On compte bien se produire le plus possible. Ok, Maxime. Et si tu veux qu'on annonce déjà des Est-ce qu'il y a déjà des dates peut-être? Ouais, on peut annoncer. On devrait. On va jouer à la station à Nancy. Station. Qui anciennement l'Anvers. Ah, voilà. Ok. C'est bien ça. Mm-hmm. Je dis pas de bêtises. Okay. Je crois. On va y jouer le 4 février okay. avec nos copains de Joy Disaster. Joy Disaster. Et puis un groupe anglais aussi du nom de Spitfire. Spitfire, faut que j'arrête de répéter. Et voilà. Et voilà. C'est ça l'information. Ok, la station à Nancy, ça, c'est rigolo ça. Enfin, c'est rigolo, un drôle, mais ok, d'accord. Est-ce qu'on. Imagine, genre, tu fais une émission de radio, t'es invité. Imagine. Et t'as l'animateur qui dit est-ce qu'on passerait pas un message ? Et attention, imaginez, hein. L'animateur il dit est-ce qu'on passerait pas un message à tout. Les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient des organisateurs, des comités des fêtes, des municipalités, des services de la culture, des SMAC, des SMOC, ça n'existe pas, mais pourquoi pas. On peut imaginer. Des grandes salles de concert, quelqu'un qui veut un groupe pour animer son mariage et que ça parte en sbeul partout. Eh bien, imaginez si on passait ce message et si l'animateur disait, eh bien, contactez Bruine sur les réseaux sociaux ou à Bruine, B-R-U-I-N-E, .prod@gmail.com. Et maintenant, imaginez que ce message vient juste d'être passé. Subtile wow. manœuvre. Subtile manœuvre. On s'est fait manipuler. Ils se sont fait berner. Vous avez été complètement bernés. On n'a rien vu venir. Ils n'ont rien vu venir. C'était très long. 2 minutes pour faire cette mise en scène. Mais oui, effectivement, faites-les jouer. Ce serait sympa de voir ça. Parce que pour l'instant, on n'a écouté qu'un morceau. Mais on a envie d'écouter les autres aussi. Hein. Bah, c'est ça. Non, mais cette année, voilà, c'est l'idée. Hein. Ça va être de défendre. Ce premier titre et tous les autres qui vont arriver sur scène. L'idée, c'est de jouer beaucoup, beaucoup dans le coin. On va aller ailleurs aussi, hein, mais histoire de commencer à montrer qu'on est là, qu'on existe, qu'on est pas qu'un groupe de studio. Voilà, et qu'on adore la scène. Non, on n'est clairement pas qu'un groupe de studio. Les morceaux ont clairement été composés, nous quatre, dans une pièce. Et en fait, je pense que, et ce qu'on entend même en studio, finalement, c'est une énergie live, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ce qu'on a cherché à faire. C'est ce qu'on en... C'est ce que vous avez envie de montrer sur scène, quoi. Complètement. Complètement. Et c'est vrai que, comme ils sont pensés d'abord pour le live, finalement, on a fait l'exercice inverse de, en studio, se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut, et ce qui est nécessaire de rajouter, de se dire, OK. Est-ce qu'on rajoute un petit synthé par-ci ou un petit effet par-là? Donc voilà, alors que d'autres artistes ont plutôt le travail inverse, de se dire ok, je compose et j'adapte pour le live. Nous, ça a été vraiment l'inverse. Et c'est, je pense, une de nos forces d'avoir ce truc, cette rage, ce truc un peu viscéral qui émane de la musique, quoi. Eh bien, on a hâte de découvrir ça. En tout cas, ce sera le 4 février à la station, anciennement l'envers, place Croix. De Bourgogne, puisque je suis voisin. Donc en plus, je crois que je n'ai même pas d'excuse pour pas venir. J'habite littéralement à 2 minutes à pied. Quoi. Je suis juste la rue en face. Mais ça, chers auditeurs, je n'en dirai pas plus. On viendra te chercher. Pour les fans, j'imagine bien le groupe qui arrive comme ça. Bonjour, c'est Bruine. Bonjour, c'est Bruine pour le concert à la station. Eh bien, merci. Merci à toi, Max. Merci Thibaut. On rappelle que le premier single Down Low est disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes. Vous êtes sur Facebook, Instagram, TikTok, le site internet brainband.com. On se retrouve le 4 février à la station pour un concert et on va se laisser avec ton choix du coup de musique. Mon cher Thibaut, c'est oui. Bowling with Team, un titre de Psychedelic Porn Crumpets. Oui, Allez, faut l'assumer. Il est venu. Pourquoi ce choix ? Parce que, bah, comme Max, on a eu un peu la même réflexion sans se concerter de qu'est-ce qui nous a marqué sur cette année 2025. Et pour moi, clairement, c'est le groupe de l'année 2025. Ce morceau-là, je l'ai poncé, écouté, réécouté, il m'a attrapé, il ne m'a pas lâché. Je vous laisse profiter. Eh bien, on vous laisse profiter, chers auditeurs. Le podcast de l'émission dimanche à 18h. Et on se retrouve samedi prochain, 13h, dimanche midi, pour un nouveau Couleur Locale. Bonne soirée, bon week-end, à bientôt.